Guy de Maupassant, au soleil. Province d'Alger. Les Algériens, les vrais habitants d'Alger, ne connaissent guère de leur pays que la plaine de la Mitidja. Ils vivent tranquilles dans une des plus adorables villes du monde, en déclarant que l'arabe est un peuple ingouvernable, bon à tuer ou à rejeter dans le désert. Ils n'ont vu d'ailleurs, en fait d'arabe, que la crapulerie du sud qui grouille dans les rues. Dans les cafés, on parle de l'agouate, de boussaada, de saïda, comme si ces pays étaient au bout du monde. Il est même assez rare qu'un officier connaisse les trois provinces. Il demeure presque toujours dans le même cercle jusqu'au moment où il revient en France. Il est juste d'ajouter qu'il devient fort difficile de voyager dès qu'on s'aventure en dehors des routes connues dans le sud. On ne le peut faire qu'avec l'appui et les complaisances de l'autorité militaire. Les commandants des cercles avancés se considèrent comme de véritables monarques omnipotents. Et aucun inconnu ne pourrait se hasarder à pénétrer sur leur terre sans risquer gros, de la part des Arabes. Tout homme isolé serait immédiatement arrêté par les caïds, conduit sous escorte à l'officier le plus voisin, et ramené entre deux spahis sur le territoire civil. Mais, dès qu'on peut présenter la moindre recommandation, on rencontre, de la part des officiers des bureaux arabes, toute la bonne grâce imaginable. Vivant seuls, si loin de tout voisinage, ils accueillent le voyageur de la façon la plus charmante. Vivant seuls, ils ont lu beaucoup, ils sont instruits, lettrés, et causent avec bonheur. Vivant seuls, dans ce large pays désolé, aux horizons infinis, ils savent penser comme les travailleurs solitaires. Partis avec les préventions qu'on a généralement en France contre ces bureaux, je suis revenu avec les idées les plus contraires. C'est grâce à plusieurs de ces officiers que j'ai pu faire une longue excursion en dehors des routes connues, allant de tribu en tribu. Le ramadan venait de commencer. On était inquiet dans la colonie, car on craignait une insurrection générale dès que serait fini ce carême mahométan. Le ramadan dure 30 jours. Pendant cette période, aucun serviteur de Mahomet ne doit boire, manger ou fumer, depuis l'heure matinale, où le soleil apparaît, jusqu'à l'heure où l'œil ne distingue plus un fil blanc d'un fil rouge. Cette dure prescription n'est pas absolument prise à la lettre, et on voit briller plus d'une cigarette dès que l'astre de feu s'est caché derrière l'horizon, et avant que l'œil ait cessé de distinguer la couleur d'un fil rouge ou noir. En dehors de cette prescription, aucun arabe ne transgresse la loi sévère du jeûne, de l'abstinence absolue. Les hommes, les femmes, les garçons à partir de 15 ans, les filles dès qu'elles sont nubiles, c'est-à-dire entre 11 et 13 ans environ, demeurent le jour entier sans manger ni boire. Ne pas manger n'est rien, mais s'abstenir de boire est horrible par ces effrayantes chaleurs. Dans ce carême, il n'est point de dispense, personne d'ailleurs n'oserait en demander. Et les filles publiques elles-mêmes, les oulades naïles, qui fourmillent dans tous les centres arabes et dans les grandes oasis, jeûnent comme les marabouts, peut-être plus que les marabouts. Et ceux-là des arabes qu'on croyait civilisés, qui se montrent en temps ordinaire disposés à accepter nos mœurs, à partager nos idées, à seconder notre action, redeviennent tout à coup, dès que le ramadan commence, sauvagement fanatique et stupidement fervent. Il est facile de comprendre quelle furieuse exaltation résulte, pour ces cerveaux bornés et obstinés, de cette dure pratique religieuse. Tout le jour, ces malheureux méditent, l'estomac tiraillé, regardant passer les roumis conquérants qui mangent, boivent et fument devant eux. Et ils se répètent que, s'il tue un de ses roumis pendant le ramadan. Ils vont droit au ciel, que l'époque de notre domination touche à sa fin, car leurs marabouts leur promettent sans cesse qu'ils vont nous jeter tous à la mer à coups de matraque. C'est pendant le ramadan que fonctionnent spécialement les Aïssawas, mangeurs de scorpions, avaleurs de serpents, saltimbanques religieux, les seuls, peut-être avec quelques mécréants et quelques nobles, qui n'aient point une foi violente. Ces exceptions sont infiniment rares. Je n'en pourrais citer qu'une seule. Au moment de partir pour une marche de 20 jours dans le sud, un officier du cercle de Bogar demanda aux 3 spahis qui l'accompagnaient de ne point faire le ramadan, estimant qu'il ne pourrait rien obtenir de ces hommes exténués par le jeûne. 2 des soldats ont refusé. Le 3e répondit « Mon lieutenant, je ne fais pas le ramadan, je ne suis pas un marabout, moi, je suis un noble. » Il était, en effet, de grande tante, fils d'une des plus anciennes et des plus illustres familles du désert. Une coutume singulière persiste, qui date de l'occupation, et qui paraît profondément grotesque quand on songe aux résultats terribles que le ramadan peut avoir pour nous. Comme on voulait au début se concilier les vaincus, et comme flatter leur religion est le meilleur moyen de les prendre, on a décidé que le canon français donnerait le signal de l'abstinence pendant l'époque consacrée. Donc, au matin, dès les premières rougeurs de l'aurore, un coup de canon commande le jeûne. Et chaque soir, 20 minutes environ après le coucher du soleil, de toutes les villes, de tous les forts, de toutes les places militaires, un autre coup de canon part, qui fait allumer des milliers de cigarettes, boire à des milliers de gargoulettes et préparer par toute l'Algérie d'innombrables plats de couscous. J'ai pu assister, dans la grande mosquée d'Alger, à la cérémonie religieuse qui ouvre le ramadan. L'édifice est tout simple, avec ses murs blanchis à la chaux et son sol couvert de tapis épais. Les Arabes entrent vivement, nu-pieds, avec leurs chaussures à la main. Ils vont se placer par grandes files régulières, largement éloignées l'une de l'autre et plus droites que des rangs de soldats à l'exercice. Ils posent leurs souliers devant eux, par terre, avec les menus objets qu'ils pouvaient avoir aux mains. Et ils restent immobiles comme des statues, le visage tourné vers une petite chapelle qui indique la direction de la Mecque. Dans cette chapelle, le mufti officie. Sa voix vieille, douce, bêlante et très monotone, vagit une espèce de chant triste qu'on n'oublie jamais quand une fois seulement on a pu l'entendre. L'intonation souvent change, et alors tous les assistants, d'un seul mouvement rythmique, silencieuse et précipitée, tombe le front par terre, reste prosterné quelques secondes et se relève sans qu'aucun bruit soit entendu, sans que rien ait voilé une seconde le petit chant tremblotant du mufti. Et sans cesse, toute l'assistance ainsi s'abat et se redresse avec une promptitude, un silence et une régularité fantastiques. On n'entend point là-dedans le fracas des chaises, les toux et les chuchotements des églises catholiques. On sent qu'une foi sauvage plane, emplit ces gens, les courbe et les relève comme des pantins. C'est une foi muette et tyrannique, envahissant les corps, immobilisant les faces, tordant les cœurs. Un indéfinissable sentiment de respect, mêlé de pitié, vous prend devant ces fanatiques maigres, qui n'ont point de ventre pour gêner leur souple prosternation, et qui font de la religion avec le mécanisme et la rectitude des soldats prussiens faisant la manœuvre. Les murs sont blancs, les tapis par terre sont rouges, les hommes sont blancs, ou rouges ou bleus avec d'autres couleurs encore, suivant la fantaisie de leurs vêtements d'apparat. Mais tous sont largement drapés, d'allure fière. Et ils reçoivent sur la tête et les épaules la lumière douce tombant des lustres. Une famille de marabouts occupe une estrade et chante les répons avec la même intonation de tête donnée par le mufti. et cela continue indéfiniment. C'est pendant les soirs du Ramadan qu'il faut visiter la Casbah. Sous cette dénomination de Casbah, qui signifie citadelle, on a fini par désigner la ville arabe tout entière. Puisqu'on jeûne et qu'on dort le jour, on mange et on vit la nuit. Alors ces petites rues rapides comme des sentiers de montagne, raboteuses, étroites comme des galeries creusées par des bêtes, tournant sans cesse, se croisant et se mêlant, et si profondément mystérieuses que malgré soi on y parle à voix basse, sont parcourues par une population des mille et une nuits. C'est l'impression exacte qu'on y ressent. On fait un voyage en ce pays que nous a conté la sultane Scheherazade. Voici les portes basses, épaisses comme des murs de prison, avec d'admirables ferrures. Voici les femmes voilées. Voilà, dans la profondeur des cours entr'ouvertes, les visages un moment aperçus. Et voilà encore tous les bruits vagues dans le fond de ces maisons closes comme des coffrets à secrets. Sur les seuils, souvent des hommes allongés mangent et boivent. Parfois, leurs groupes vautrés occupent tous les trois passages. Il faut enjamber des mollets nus, frôler des mains, chercher la place ou poser le pied au milieu d'un paquet de linge blanc étendu et d'où sortent des têtes et des membres. Les Juifs laissent ouvertes les tanières qui leur servent de boutiques, et les maisons de plaisir clandestines, pleines de rumeurs, sont si nombreuses qu'on ne marche guère 5 minutes sans en rencontrer 2 ou 3. Dans les cafés arabes, des files d'hommes tassés, un contre les autres, accroupis sur la banquette, collés au mur, ou simplement restés par terre, boivent du café en des vases microscopiques. Ils sont là, immobiles et muets, gardant à la main leur tasse, qu'ils portent parfois à leur bouche, par un mouvement très lent, et ils peuvent tenir à 20 tant ils sont pressés, en un espace où nous serions gênés à 10. Et des fanatiques, à l'air calme, vont et viennent au milieu de ces tranquilles buveurs, prêchant la révolte, annonçant la fin de la servitude. C'est, dit-on, au Ksar, village arabe, de Boukhari, que se produisent toujours les premiers symptômes des grandes insurrections. Ce village se trouve sur la route de la Gouate. Allons-y. Quand on regarde l'atlas de l'immense plaine de la Mitidja, on aperçoit une coupure gigantesque qui fend la montagne dans la direction du sud. C'est comme si un coup de hache l'eût ouverte. Cette trouée s'appelle la gorge de la Chifa. C'est par là que passe la route de Médéa, de Boukhari et de la Gouate. On entre dans la coupure du mont. On suit la mince rivière, la Chifa. On s'enfonce dans la gorge étroite, sauvage et boisée. Partout des sources. Les arbres gravissent les parois à pic, s'accrochent partout, semblent monter à l'escalade. Le passage se rétrécit encore. Les rochers droits vous menacent. Le ciel apparaît comme une bande bleue entre les sommets. Puis soudain, dans un brusque détour, une petite auberge se montre à la naissance d'un ravin couvert d'arbres. C'est l'auberge du ruisseau des singes. Devant la porte, l'eau chante dans les réservoirs. Elle s'élance, retombe, emplit ce coin de fraîcheur, fait songer au calme vallon suisse. On se repose, on s'assoupit à l'ombre, mais soudain, sur votre tête, une branche remue. On se lève. Alors, dans toute l'épaisseur du feuillage, c'est une fuite précipitée de singes, des bondissements, des dégringolades, des sauts et des cris. Il y en a d'énormes et de tout petits, des centaines, des milliers peut-être. Le bois en est rempli, peuplé, fourmillant. Quelques-uns, captivés par les maîtres de l'auberge, sont caressants et tranquilles. Un tout jeune, pris l'autre semaine, reste un peu sauvage encore. Sitôt que l'on demeure immobile, ils approchent, vous guettent, vous observent. On dirait que le voyageur est la grande distraction des habitants de ce vallon. Dans certains jours, pourtant, on n'en aperçoit pas un seul. Après l'auberge du ruisseau des singes, Une allée s'étrangle encore, et soudain, à gauche, deux grandes cascades s'élancent presque du sommet du mont. Deux cascades claires, deux rubans d'argent. Si vous saviez comme c'est doux à voir ces cascades sur cette terre d'Afrique. On monte longtemps, longtemps. La gorge est moins profonde, moins boisée. On monte encore. La montagne se dénude peu à peu. Ce sont des champs à présent. Et quand on parvient au faîte, on rencontre des chênes, des saules, des ormeaux, les arbres de nos pays. On couche à Médéa, blanche petite ville, toute pareille à une sous-préfecture de France. C'est après Médéa que recommencent les féroces ravages du soleil. On franchit une forêt pourtant, mais une forêt maigre, pelée, montrant partout la peau brûlante de la terre bientôt vaincue. Puis plus rien de vivant autour de nous. Sur ma gauche, un vallon s'ouvre, aride et rouge, sans une herbe. Il s'étend au loin, pareil à une cave de sable. Mais soudain une grande ombre, lentement, le traverse. Elle passe d'un bout à l'autre, tache fuyante qui glisse sur le sol nu. Elle est, cette ombre, la vraie, la seule habitante de ce lieu morne et mort. Elle semble y régner, comme un génie mystérieux et funeste. Je lève les yeux et je l'aperçois qui s'en va, les ailes étendues, immobiles, le grand dépeceur de charogne, le vautour maigre qui plane sur son domaine, au-dessous de cet autre maître du vaste pays qu'il tue, le soleil, le dur soleil. Quand on descend vers Boukhari, on découvre à perte de vue l'interminable vallée du Chélif. C'est, dans toute sa hideur, la misère, la jaune misère de la terre. Elle apparaît loqueteuse comme un vieux pauvre arabe, cette vallée que parcourt l'ornière sale du fleuve sans eau, bu jusqu'à sa boue par le feu du ciel. Cette fois, il a tout vaincu, tout dévoré, tout pulvérisé, tout calciné, ce feu qui remplace l'air, emplit l'horizon. Quelque chose vous passe sur le front. Ailleurs, ce serait du vent. Ici, c'est du feu. Quelque chose flotte là-bas sur les crêtes pierreuses. Ailleurs, ce serait une brume. Ici, c'est du feu. Ou plutôt, de la chaleur visible. Si le sol n'était point déjà calciné jusqu'aux os, cette étrange buée rappellerait la petite fumée qui s'élève des chairs vives brûlées au fer rouge. Et tout cela a une couleur étrange, aveuglante et pourtant veloutée, la couleur du sable chaud, auquel semble se mêler une nuance un peu violacée, tombée du ciel en fusion. Point d'insectes dans cette poussière de terre, quelques grosses fourmis seulement. Les mille petits êtres qu'on voit chez nous ne pourraient vivre dans cette fournaise. En certains jours torrides, les mouches elles-mêmes meurent, comme au retour des froids dans le nord. C'est à peine si on peut élever des poules. On les voit, les pauvres bêtes, qui marchent, le bec ouvert et les ailes soulevées, d'une façon lamentable et comique. Depuis 3 ans, les dernières sources tarissent. Et le tout-puissant soleil semble glorieux de son immense victoire. Cependant, voici quelques arbres, quelques pauvres arbres. C'est Bogar, à droite, au sommet d'un mont poudreux. À gauche, dans un repli rocheux, couronnant un monticule et à peine distinct du sol, tant il en a pris la coloration monotone, un grand village se dresse sur le ciel. C'est le Ksar de Boukhari. Au pied du cône de poussière qui porte ce vaste village arabe, quelques maisons sont cachées dans le mouvement de la colline. Elles forment la commune mixte. Le Ksar de Boukhari est un des plus considérables villages arabes de l'Algérie. Il se trouve juste sur la frontière du sud, un peu au-delà du Tell, dans la zone de transition entre les pays européanisés et le grand désert. Sa situation lui donne une singulière importance politique, car elle en fait une sorte de trait d'union entre les Arabes du littoral et les Arabes du Sahara. Aussi a-t-il toujours été le pouls des insurrections. C'est là qu'arrive le mot d'ordre, c'est de là qu'il repart. Les tribus les plus éloignées envoient leurs gens pour savoir ce qui se passe à Boukhari. On a l'œil sur ce point de toutes les parties de l'Algérie. L'administration française, seule, ne s'occupe point de ce qui se trame à Boukhari. Elle en a fait une commune de plein exercice, sur le modèle des communes de France, administrée par un maire, vieux paysan à l'œil endormi, flanqué d'un garde champêtre. Entre et sort qui veut. Les Arabes venus de n'importe où peuvent circuler, causer, intriguer à leur guise sans être gênés en rien. Au pied du Ksar, à 200 ou 300 mètres, la commune mixte est gouvernée par l'administrateur civil qui dispose des pouvoirs les plus étendus sur un territoire nu, qu'il est presque inutile de surveiller. Il ne peut empiéter sur les attributions du maire, son voisin. En face, sur la montagne, est Bogar, où habite le commandant supérieur du cercle militaire. Il a entre les mains les moyens d'action les plus actifs. Mais il ne peut rien dans le Ksar, commune de plein exercice. Or, le Ksar n'est habité que par les Arabes. C'est le point dangereux qu'on respecte, tandis qu'on surveille avec soin les environs. On soigne le mal dans ses effets et non dans sa cause. Qu'arrive-t-il ? Le commandant et l'administrateur, quand ils s'entendent, organisent une sorte de police secrète à l'insu du maire et tâchent d'être informés mystérieusement. N'est-il point surprenant de voir ce centre arabe, reconnu dangereux par tout le monde, plus libre qu'une ville en France, tandis qu'il serait impossible à un Français quelconque, s'il n'était protégé par quelque personnage influent, de pénétrer et de circuler sur le territoire militaire des cercles avancés du Sud. Dans la commune mixte, on trouve une auberge. J'y passe la nuit, une nuit d'étuve. L'air semblait brûlé par la flamme du dernier jour. Il ne remuait plus, comme s'il eût été figé par la chaleur. Aux premières lueurs de l'aurore, je me levai. Le soleil parut, acharné dans sa besogne d'incendiaire. Devant ma fenêtre ouverte sur l'horizon déjà torride et silencieux, une petite diligence dételée attendait. On lisait sur le panneau jaune « Courrier du Sud ». Courrier du Sud ? On allait donc encore plus au sud en ce terrible mois d'août ? Le sud ! Quel mot rapide, brûlant ! Le sud ! Le feu ! Là-bas, au nord, on dit, en parlant des pays tièdes, le midi. Ici, c'est le sud. Je regardais cette syllabe si courte qui me paraissait surprenante, comme si je ne l'avais jamais lue. J'en découvrais, me semblait-il, le sens mystérieux. Car les mots les plus connus, comme les visages souvent regardés, ont des significations secrètes, dont on s'aperçoit tout d'un coup, un jour, on ne sait pourquoi. Le sud, le désert, les nomades, les terres inexplorées, et puis les nègres, tout un monde nouveau, quelque chose comme le commencement d'un univers. Le sud, comme cela devient énergique sur la frontière du Sahara. Dans l'après-midi, j'allais visiter le Ksar. Boukhari est le premier village où l'on rencontre des oulas de Naï. On est saisi de stupéfaction à l'aspect de ces courtisanes du désert. Les rues populeuses sont pleines d'Arabes couchés en travers des portes, en travers de la route, accroupis, causant à voix basse ou dormant. Partout, leurs vêtements flottants et blancs semblent augmenter la blancheur unie des maisons. Point de tache, tout est blanc. Et soudain, une femme apparaît, debout sur une porte, avec une large coiffure qui semble d'origine assyrienne, surmontée d'un énorme diadème d'or. Elle porte une longue robe rouge éclatante. Ses bras et ses chevilles sont cerclés de bracelets étincelants. Et sa figure, aux lignes droites, est tatouée d'étoiles bleues. Puis en voici d'autres, beaucoup d'autres, avec la même coiffure monumentale. Une montagne carrée qui laisse pendre de chaque côté une grosse tresse tombant jusqu'au bas de l'oreille, puis relevée en arrière pour se perdre de nouveau dans la masse opaque des cheveux. Elle porte toujours des diadèmes dont quelques-uns sont fort riches. La poitrine est noyée sous les colliers, les médailles, les lourds bijoux, et deux fortes chaînettes d'argent font tomber jusqu'au bas-ventre une grosse serrure de même métal, curieusement ciselée à jour et dont la clé pend au bout d'une autre chaîne. Quelques-unes de ces filles n'ont encore que de minces bracelets. Elles débutent. Les autres, les anciennes, montrent sur elles quelquefois pour 10 ou 15 000 francs de bijoux. J'en ai vu une dont le collier était formé de 8 rangées de pièces de 20 francs. Elles gardent ainsi leur fortune, leurs économies laborieusement gagnées. Les anneaux de leurs chevilles sont en argent massif et d'un poids surprenant. En effet, dès qu'elles possèdent en pièces d'argent la valeur de 200 ou 300 francs, elles les donnent à fondre aux bijoutiers mozabites, qui leur rendent alors ces anneaux ciselés ou ces serrures symboliques, ou ces chaînes, ou ces larges bracelets. Les diadèmes qui les couronnent sont obtenus de la même façon. Leur coiffure monumentale, en mêlement savant et compliqué de tresses entortillées, demande presque un jour de travail et une incroyable quantité d'huile. Aussi ne se font-elles guère recoiffer que tous les 3 mois, et prennent-elles un soin extrême à ne point compromettre, dans leurs amours, ce haut et difficile édifice de cheveux qui répand en peu de temps une intolérable odeur. C'est le soir qu'il faut les voir, quand elles dansent au café mort. Le village est silencieux. Des formes blanches gisent étendues le long des maisons. La nuit brûlante est criblée d'étoiles. Et ces étoiles d'Afrique brillent d'une clarté que je ne leur connaissais pas, une clarté de diamant de feu, palpitante, vivante, aiguë. Tout à coup, au détour d'une rue, un bruit vous frappe, une musique sauvage et précipitée, un grondement saccadé de tambours de basque que domine la clameur aigre, continue, abrutissante, assourdissante et féroce d'une flûte qu'emplit de son souffle infatigable un grand diable à la peau d'ébène, le maître de l'établissement. Devant la porte, un monceau de burnous, un paquet d'arabes, qui regardent sans entrer et qui forment une grande lueur mouvante sous la clarté venue de l'intérieur. Au-dedans, des files d'êtres immobiles et blancs assis sur des planches, le long des murs blancs, sous un toit très bas. Et par terre, accroupis avec leurs oripeaux flamboyants, leurs éclatants bijoux, leurs faces tatouées, leurs hautes coiffures à diadèmes qui rappellent les bas-reliefs égyptiens, les Oulad Nail attendent. Nous entrons. Personne ne bouge. Alors, pour nous asseoir, et selon l'usage, on saisit les arabes, on les bouscule, on les rejette de leur banc, et ils s'en vont. Impassible. D'autres se tassent pour leur faire place. Sur une estrade, au fond, les 4 tambourineurs, avec des poses extatiques, battent frénétiquement la peau tendue des instruments. Et le maître, le grand nègre, se promène d'un pas majestueux, en soufflant furieusement dans sa flûte enragée, sans un repos, sans une défaillance d'une seconde. Alors, 2 Oulad Nail se lèvent, vont se placer aux extrémités de l'espace laissé libre entre les bancs, et elles se mettent à danser. Leur danse est une marche douce, que rythme un coup de talon faisant sonner les anneaux des pieds. À chacun de ces coups, le corps entier fléchi dans une sorte de boiterie méthodique, et leurs mains, élevées et tendues à la hauteur de l'œil, se retournent doucement à chaque retour du sautillement, avec une vive trépidation, une secousse rapide des doigts. La face un peu tournée, rigide, impassible, figée, demeure étonnamment immobile, une face de sphinx, tandis que le regard oblique reste tendu sur les ondulations de la main, comme fasciné par ce mouvement doux que coupe sans cesse la brusque convulsion des doigts. Elles vont ainsi l'une vers l'autre. Quand elles se rencontrent, leurs mains se touchent, elles semblent frémir, leurs tailles se renversent, laissant traîner un grand voile de dentelle qui va de la coiffure aux pieds. Elles se frôlent, cambrées en arrière, comme pâmées dans un joli mouvement de colombes amoureuses. Le grand voile bat comme une aile. Puis, redressées soudain, redevenues impassibles, elles se séparent, et chacune continue jusqu'à la ligne des spectateurs son glissement lent et boitillant. Toutes ne sont point jolies, mais toutes sont singulièrement étranges. Et rien ne peut donner l'idée de ces Arabes accroupis au milieu desquels passent, de leur allure calme et scandée, ces filles couvertes d'or et d'étoffes flamboyantes. Quelquefois, elles varient un peu les gestes de leur danse. Ces prostituées venaient jadis d'une seule tribu, les Oulad Nail. Elles amassaient ainsi leur dot et retournaient ensuite se marier chez elles, après fortune faite. On ne les en estimait pas moins dans leur tribu. C'était l'usage. Aujourd'hui, bien qu'il soit toujours admis que les filles des Oulad Nail aillent faire fortune au loin par ce moyen, toutes les tribus fournissent des courtisanes aux centres arabes. Le propriétaire du café où elles se montrent et s'offrent est toujours un nègre. Dès qu'il voit entrer des étrangers, cet industriel s'applique sur le front une pièce de 5 francs en argent qu'il tient collée à la peau par on ne sait quel procédé. Et il marche à travers son établissement en jouant férocement de sa flûte sauvage, montrant avec obstination la monnaie dont il s'est tatoué pour inviter le visiteur à lui en offrir autant. Celles des Oulad Nail, qui sont de grandes tantes, apportent dans leurs relations avec leurs visiteurs toute la générosité et la délicatesse que comporte leur origine. Il suffit d'admirer une seconde l'épais tapis qui sert de lit pour que le serviteur de la noble prostituée apporte à son amant d'une minute, dès qu'il a regagné sa demeure, l'objet qu'il avait frappé. Elles ont, comme les filles de France, des protecteurs qui vivent de leur fatigue. On trouve parfois, au matin, une d'elles au fond d'un ravin, la gorge ouverte d'un coup de couteau, dépouillée de tous ses bijoux. Un homme qu'elle aimait a disparu, et on ne le revoit jamais. Le logement où elles reçoivent est une étroite chambre aux murs de terre. Dans les oasis, le plafond est fait simplement de roseaux tassés les uns sur les autres et où vivent des armées de scorpions. La couche se compose de tapis superposés. Les gens riches, arabes ou français, qui veulent passer une nuit de luxueuse orgie, louent jusqu'à l'aurore le bain mort avec les serviteurs du lieu. Ils boivent et mangent dans les tuves et modifient l'usage des divans de repos. Cette question de mœurs m'amène à un sujet bien difficile. Nos idées, nos coutumes, nos instincts diffèrent si absolument de ceux qu'on rencontre en ces pays qu'on ose à peine parler chez nous d'un vice si fréquent là-bas que les Européens ne s'en scandalisent même plus. On arrive à en rire au lieu de s'indigner. C'est là une matière fort délicate, mais qu'on ne peut passer sous silence quand on veut essayer de raconter la vie arabe, de faire comprendre le caractère particulier de ce peuple. On rencontre ici, à chaque pas, ces amours antinaturels entre êtres du même sexe que recommandait Socrate, l'ami d'Alcibiade. Souvent dans l'histoire, on trouve des exemples de cette étrange et malpropre passion à laquelle s'abandonnait César, que les Romains et les Grecs pratiquèrent constamment, que Henri III mit à la mode en France, et dont on suspecta bien des grands hommes. Mais ces exemples ne sont cependant que des exceptions, d'autant plus remarquées qu'elles sont rares. En Afrique, cet amour anormal est entré si profondément dans les mœurs que les Arabes semblent le considérer comme aussi naturel que l'autre. D'où vient cette déviation de l'instinct? De plusieurs causes, sans doute. La plus apparente est la rareté des femmes. Séquestrées par les riches, qui possèdent 4 épouses légitimes et autant de concubines qu'ils en peuvent nourrir. Peut-être aussi l'ardeur du climat qui exaspère les désirs sensuels a-t-elle émoussé chez ces hommes de tempérament violent la délicatesse, la finesse, la propreté intellectuelle qui nous préserve des habitudes et des contacts répugnants. Peut-être encore trouve-t-on là une sorte de tradition des mœurs de Sodome, une hérédité vicieuse chez ce peuple nomade, inculte, presque incapable de civilisation, demeurait aujourd'hui tel qu'il était au temps biblique. Oserais-je citer quelques exemples récents et bien caractéristiques de la puissance de cette passion chez l'arabe? Le hammam eut, dans ses débuts, parmi les garçons des bains, un petit nègre d'Algérie. Après un séjour de quelque temps à Paris, ce jeune homme revint en Afrique. Or, un matin, on trouva dans une caserne 2 soldats assassinés, et l'enquête démontra bien vite que le meurtrier n'était autre que l'ancien employé du hammam, qui, du même coup, avait tué ses 2 amants. Des relations intimes s'étant établies entre ces hommes qui s'étaient connus par lui, il avait découvert leur liaison, et, jaloux de tous les 2, les avait égorgés. De pareils faits sont très fréquents. Voici maintenant un autre drame. Un jeune arabe de grande tente était connu dans toute la contrée pour ses habitudes amoureuses qui faisaient aux Ouloulad Naïd une déloyale concurrence. Ses frères lui reprochèrent plusieurs fois, non pas ses mœurs, mais sa vénalité. Comme il ne changeait en rien ses habitudes, ils lui donnèrent 8 jours pour renoncer à son commerce. Il ne tint pas compte de cet avertissement. Le 9e jour, au matin, on le trouva mort, étranglé, le corps nu et la tête voilée, au milieu du cimetière arabe. Quand on découvrit la figure, on aperçut une pièce de monnaie violemment incrustée, d'un coup de talon, dans la chair du front, et sur cette pièce, une petite pierre noire. À côté du drame, une comédie. Un officier de Spahi cherchait en vain une ordonnance. Tous les soldats qu'il employait étaient mal habillés, peu soigneux, impossibles à garder. Un matin, un jeune cavalier arabe se présente, fort beau, intelligent, d'allure fine. Le lieutenant le prit à l'essai. C'était une trouvaille, un garçon actif, propre, silencieux, plein d'attention et d'adresse. Tout alla bien pendant 8 jours. Le 9e jour au matin, comme le lieutenant rentrait de sa promenade quotidienne, il aperçut devant sa porte un vieux spahi en train de cirer ses bottes. Il passa dans le vestibule, un autre spahi balayait. Dans la chambre, un troisième faisait le lit. Un quatrième au loin chantait dans l'écurie, tandis que le véritable ordonnance, le jeune Mohamed, fumait des cigarettes, couché sur un tapis. Stupéfait, le lieutenant appela un de ses remplaçants inattendus et, lui montrant ses camarades, « Qu'est-ce que vous fichez ici, vous autres ?» L'arabe immédiatement s'expliqua. « Mon lieutenant, c'est le lieutenant indigène qui nous a envoyés. » Chaque lieutenant français, en effet, est doublé d'un officier indigène qui lui est subordonné. « Ah, c'est le lieutenant indigène. Et pourquoi ça ?» Le soldat reprit. « Mon lieutenant, il nous a dit, Allez-vous-en chez le lieutenant et faites-moi tout l'ouvrage de Mohamed. Mohamed, il doit rien faire, parce que c'est la femme du lieutenant. » Cette attention délicate coûta d'ailleurs à l'officier 2 mois d'arrêt. Ce qui prouve combien ce vice est entré dans les mœurs des Arabes, c'est que tout prisonnier qui leur tombe dans les mains est aussitôt utilisé pour leur plaisir. S'ils sont nombreux, l'infortuné peut mourir à la suite de ce supplice de volupté. Quand la justice est appelée à constater un assassinat, elle constate aussi fort souvent que le cadavre a été violé, après la mort, par le meurtrier. Il est encore d'autres faits fort communs et tellement ignobles que je ne les puis rapporter ici. En redescendant un soir de Boukhari, vers le coucher du soleil, j'aperçus 3 oulades naïl, 2 en rouge et 1 en bleu, debout au milieu d'une foule d'hommes, assises à l'orientale ou couchées. Elles avaient l'air de divinités sauvages dominant un peuple prosterné. Tous avaient les yeux fixés sur le fort de Bogar, là-bas, sur la grande côte en face, sur l'autre versant de la vallée poudreuse. Tous étaient immobiles, attentifs, comme s'ils eussent attendu quelque événement surprenant. Tous tenaient à la main une cigarette, vierge encore, et qu'ils venaient de rouler. Soudain, une petite fumée blanche jaillit au sommet de la forteresse, et aussitôt, dans toutes les bouches pénétrèrent toutes les cigarettes, tandis qu'un bruit sourd et lointain faisait un peu frémir le sol. C'était le canon français annonçant aux vaincus le terme de l'abstinence quotidienne.